Molle Flanders, 12e partie. Il était réellement d'esprit brave et galant, et j'en étais d'autant plus peiné. Il y a quelque soulagement même à être défaite par un homme d'honneur plutôt que par un coquin. Mais ici le plus grand désappointement était sur sa part, car il avait vraiment dépensé abondance d'argent, et il faut remarquer sur quelle pauvre raison elle s'était avancée. D'abord, il convient d'observer la bassesse de la créature qui, pour gagner 100 livres elle-même, eut l'indignité de lui en laisser dépenser 3 ou 4 fois plus, bien que ce fût peut-être tout ce qu'il avait au monde et davantage. Alors qu'elle n'avait pas plus de fondement qu'un petit habit autour d'une table à thé, nous assurer que j'eusse quelque état, ou que je fusse une fortune, ou chose qui fût. Il est vrai que le dessein de duper une femme de fortune, si j'eusse été elle, montrait assez de vilenie, et de mettre l'apparence de grandeur sur une pauvre condition n'était que de la fourberie et bien méchante. Mais le cas différait un peu, et en sa faveur à lui. Car il n'était pas de ces gueux qui font métier de duper des femmes, ainsi que l'ont fait certains, et de happer 6 ou 7 fortunes l'une après l'autre pour les rafler et décamper ensuite. Mais c'était déjà un gentilhomme, infortuné et tombé bas, mais qui avait vécu en bonne façon. Et quand même j'eusse eu de la fortune, j'eusse été tout enragé contre la friponne pour m'avoir trahi. Toutefois, vraiment, pour ce qui est de l'homme, une fortune n'aurait point été mal placée sur lui, car c'était une personne charmante en vérité, de principes généreux, de bon sens, et qui avait abondance de bonne humeur. Nous eûmes quantité de conversations intimes cette nuit-là, car aucun de nous ne dormit beaucoup. Il était aussi repentant d'avoir été la cause de toute cette duperie que si c'eût été de la félonie et qu'il marchât au supplice. Il m'offrit encore jusqu'au dernier shilling qu'il avait sur lui et dit qu'il voulait partir à l'armée pour tâcher à en gagner. Je lui demandai pourquoi il avait eu la cruauté de vouloir m'emmener en Irlande, quand il pouvait supposer que je n'eusse point pu y subsister. Il me prit dans ses bras. « Mon cœur, dit-il, je n'ai jamais eu dessein d'aller en Irlande, bien moins de vous y emmener, mais je suis venu ici pour échapper à l'observation des gens qui avaient entendu ce que je prétendais faire. » Et afin que personne ne pût me demander de l'argent avant que je fusse garni pour le randonner. Mais où donc alors, dis-je, devions-nous aller ensuite? Eh bien, mon cœur, dit-il, je vais donc vous avouer tout le plan, ainsi que je l'avais disposé. J'avais intention ici de vous interroger quelque peu sur votre état, comme vous voyez que je l'ai fait. Et quand vous m'auriez rendu compte des détails, ainsi que je m'attendais que vous feriez, j'aurais imaginé une excuse pour remettre notre voyage en Irlande à un autre temps, et nous serions partis pour Londres. Puis, mon cœur, dit-il, j'étais décidé à vous avouer toute la condition de mes propres affaires, et à vous faire savoir qu'en effet, j'avais usé de ces finesses pour obtenir votre acquiescement à m'épouser, mais qu'il ne me restait plus qu'à vous demander pardon et à vous dire avec quelle ardeur je m'efforcerais à vous faire oublier ce qui était passé par la félicité des jours à venir. « Vraiment, lui dis-je, et je trouve que vous m'auriez vite conquise. Et c'est ma douleur maintenant que de n'être point en état de vous montrer avec quelle aisance je me serais laissé réconcilier à vous, et comme je vous aurais passé tous ces tours en récompense de tant de bonne humeur. Mais, mon ami, dis-je, que faire maintenant? Nous sommes perdus tous deux, et en quoi sommes-nous mieux pour nous être accordés, puisque nous n'avons pas de quoi vivre? Nous proposâmes un grand nombre de choses, mais rien ne pouvait s'offrir où il n'y avait rien pour débuter. Il me supplia enfin de n'en plus parler, car, disait-il, je lui briserais le cœur. De sorte que nous parlâmes un peu sur d'autres sujets, jusqu'enfin il prit congé de moi en mari, et puis s'endormit. Il se leva avant moi le matin, et vraiment, moi qui étais restée éveillée presque toute la nuit, j'avais très grand sommeil, et je demeurai couchée jusqu'après 11 heures. Pendant ce temps, il prit ses chevaux et 3 domestiques, avec tout son linge et ses hardes, et le voilà parti, ne me laissant qu'une lettre courte, mais émouvante, sur la table, et que voici. « Ma chérie, je suis un chien, je vous ai dupé, mais j'y ai été entraînée par une vile créature, contrairement à mes principes et à l'ordinaire coutume de ma vie. Pardonnez-moi, ma chérie, je vous demande pardon avec la plus extrême sincérité. Je suis le plus misérable des hommes de vous avoir déçu. J'ai été si heureux que de vous posséder, et maintenant je suis si pitoyablement malheureux que d'être forcé de fuir loin de vous. Pardonnez-moi, ma chérie. Encore une fois, je le dis, pardonnez-moi. Je ne puis supporter de vous voir ruiné par moi, et moi-même incapable de vous soutenir. Notre mariage n'est rien. Je n'aurai jamais la force de vous revoir. Je vous déclare ici que vous êtes libre. Si vous pouvez vous marier à votre avantage, ne refusez pas en songeant à moi. Je vous jure ici sur ma foi et sur la parole d'un homme d'honneur de ne jamais troubler votre repos si je l'apprends, ce qui toutefois n'est pas probable. D'autre part, si vous ne vous mariez pas, et si je rencontre une bonne fortune, tout cela sera pour vous, où que vous soyez. J'ai mis une partie de la provision d'argent qui me restait dans votre poche. Prenez des places pour vous et pour votre servante dans le coche et allez à Londres. J'espère qu'il suffira aux frais sans que vous entamiez le vôtre. Encore une fois, je vous demande pardon de tout cœur et je le ferai aussi souvent que je penserai à vous. Adieu, ma chérie, pour toujours. Je suis à vous en toute affection. J. E. Rien de ce qui me survint jamais dans ma vie ne tomba si bas dans mon cœur que cet adieu. Je lui reprochai 1000 fois dans mes pensées de m'avoir abandonnée, car je serais allée avec lui au bout du monde, m'eût-il fallu mendier mon pain. Je tâtai dans ma poche, et là je trouvai 10 guinées, sa montre en or, et 2 petits anneaux, une petite bague de diamant qui ne valait guère que 6 livres, et un simple anneau d'or. Je tombai assise, et je regardai fixement ces objets pendant 2 heures sans discontinuer, jusqu'à ce que ma fille de chambre vînt m'interrompre pour me dire que le dîner était prêt. Je ne mangeai que peu, et après dîner, il me prit un violent accès de larmes. Et toujours je l'appelai par son nom, qui était James. « Oh, Jamie, criai-je, reviens, reviens, je te donnerai tout ce que j'ai, je mendierai, je mourrai de faim avec toi. » Et ainsi je courais, folle, par la chambre, çà et là. Et puis je m'asseyais entre-temps. Et puis je marchais de nouveau en long et en large, et puis je sanglotais encore. Et ainsi je passais l'après-midi jusqu'environ 7 heures, que tomba le crépuscule du soir, c'était au mois d'août, quand, à ma surprise indicible, le voici revenir à l'hôtellerie et monter tout droit à ma chambre. Je fus dans la plus grande confusion qu'on puisse s'imaginer, et lui pareillement. Je ne pouvais deviner quelle était l'occasion de son retour, et je commençai à me demander si j'en devais être heureuse ou fâchée. Mais mon affection inclina tout le reste, et il me fut impossible de dissimuler ma joie, qui était trop grande pour des sourires, car elle se répandit en larmes. À peine fut-il entré dans la chambre, qu'il courut à moi et me prit dans ses bras, me tenant serré et m'étouffant presque la laine sous ses baisers, mais ne dit pas une parole. Enfin je commençai. « Mon amour, dis-je, comment as-tu pu t'en aller loin de moi ?» À quoi il ne fit pas de réponse, car il lui était impossible de parler. Quand nos extases furent un peu passées, il me dit qu'il était allé à plus de 15 lieues, mais qu'il n'avait pas été en son pouvoir d'aller plus loin sans revenir pour me voir une fois encore, et une fois encore me dire adieu. Je lui dis comment j'avais passé mon temps, et comment je lui avais crié à voix haute de revenir. Il me dit qu'il m'avait entendu fort nettement dans la forêt de Delamer, à un endroit éloigné d'environ 12 lieues. Je souris. « Non, dit-il, ne crois pas que je plaisante, car si jamais j'ai entendu ta voix dans ma vie, je t'ai entendu m'appeler à voix haute, et parfois je me figurais que je te voyais courir après moi. Mais, dis-je, que disais-je? Car je ne lui avais pas nommé les paroles. Tu criais à haute voix, et tu disais, « Oh, Jamie, oh, Jamie, reviens, reviens !» Je me mis à rire. « Mon cœur, dit-il, ne ris pas, car sois-en sûr, j'ai entendu ta voix aussi clairement que tu entends la mienne dans ce moment. Et si tu le veux, j'irai devant un magistrat prêter serment là-dessus. » Je commençai alors d'être surprise et étonnée. Je fus effrayée même, et lui dis ce que j'avais vraiment fait et comment je l'avais appelé. Après que nous nous fûmes amusés un moment là-dessus, je lui dis. « Eh bien, tu ne t'en iras plus loin de moi maintenant. J'irai plutôt avec toi au bout du monde. » Il me dit que ce serait une chose bien difficile pour lui que de me quitter, mais que, puisqu'il le fallait, il avait l'espoir que je lui rendrais la tâche aisée autant que possible. Mais que pour lui, ce serait sa perte et qu'il le prévoyait assez. Cependant, il me dit qu'il avait réfléchi, qu'il me laissait seul pour aller jusqu'à Londres, qui était un long voyage, et qu'il pouvait aussi bien prendre cette route-là qu'une autre, de sorte qu'il s'était résolu à m'y accompagner, et que, s'il partait ensuite sans me dire adieu, je n'en devais point prendre d'irritation contre lui, et ceci, il me le fit promettre. Il me dit comment il avait congédié ses 3 domestiques, vendu leurs chevaux et envoyé ses garçons chercher fortune, tout cela en fort peu de temps, dans une ville près de la route, je ne sais où. Et, dit-il, il m'en a coûté des larmes, et j'ai pleuré tout seul de penser combien ils étaient plus heureux que leur maître, puisqu'ils n'avaient qu'à aller frapper à la porte du premier gentilhomme pour lui offrir leur service, tandis que moi, dit-il, je ne savais où aller ni que faire. Je lui dis que j'avais été si complètement malheureuse quand il m'avait quittée que je ne saurais l'être davantage, et que, maintenant qu'il était revenu, je ne me séparerais jamais de lui s'il voulait bien m'emmener en quelque lieu qu'il allât. Et cependant, je convins que nous irions ensemble à Londres, mais je ne pus arriver à consentir qu'il me quitterait enfin sans me dire adieu. Mais je lui dis d'un ton plaisant que, s'il s'en allait, je lui crierais de revenir aussi haut que je l'avais fait. Puis je tirai sa montre et la lui rendis, et ses deux bagues et ses 10 guinées. Mais il ne voulut pas les reprendre, d'où je doutais fort qu'il avait résolu de s'en aller sur la route et de m'abandonner. La vérité est que la condition où il était, les expressions passionnées de sa lettre, sa conduite douce, tendre et mâle que j'avais éprouvée sur sa part en toute cette affaire, jointe au souci qu'il m'avait montré, et à sa manière de me laisser une si grande part du peu qui lui restait, tout cela, dis-je, m'avait impressionné si vivement que je ne pouvais supporter l'idée de me séparer de lui. 2 jours après, nous quittâmes Chester, moi dans le coche et lui à cheval. Je congédiai ma servante à Chester. Il s'opposa très fort à ce que je restasse sans servante. Mais comme je l'avais engagé dans la campagne, puisque je n'avais point de domestique à Londres, je lui dis que c'eût été barbare d'emmener la pauvre fille pour la mettre dehors sitôt que j'arriverais en ville, et que ce serait aussi une dépense inutile en route. Si bien qu'il s'y accorda, et demeura satisfait sur ce chapitre. Il vint avec moi jusque Dunstable, à 30 lieues de Londres, et puis il me dit que le sort et ses propres infortunes l'obligeaient à me quitter, et qu'il ne lui était point possible d'entrer dans Londres pour des raisons qu'il n'était pas utile de me donner. Et je vis qu'il se préparait à partir. Le coche où nous étions ne s'arrêtait pas d'ordinaire à Dunstable, mais je le priai de s'y tenir un quart d'heure. Il voulut bien rester un moment à la porte d'une hôtellerie où nous entrâmes. Étant à l'hôtellerie, je lui dis que je n'avais plus qu'une faveur à lui demander, qui était, puisqu'il ne pouvait pas aller plus loin, qu'il me permit de rester une semaine ou deux dans cette ville avec lui, afin de réfléchir pendant ce temps à quelque moyen d'éviter une chose qui nous serait aussi ruineuse à tous deux qu'une séparation finale, et que j'avais à lui proposer une chose d'importance que peut-être il trouverait à notre avantage. C'était une proposition où il y avait trop de raisons pour qu'il la refusât, de sorte qu'il appela l'hôtesse et lui dit que sa femme se trouvait indisposée, et tant qu'elle ne saurait penser à continuer son voyage en coche, qu'il l'avait laissée presque jusqu'à la mort, il lui demanda si elle ne pourrait nous procurer un logement pour 2 ou 3 jours dans une maison privée, où je pourrais me reposer un peu, puisque la route m'avait à ce point excédé. L'hôtesse, une brave femme de bonne façon et fort obligeante, vint aussitôt me voir. Me dit qu'elle avait 2 ou 3 chambres qui étaient très bonnes et placées à l'écart du bruit, et que, si je les voyais, elle n'avait point de doute qu'elle me plairait, et que j'aurais une de ses servantes qui ne ferait rien d'autre que d'être attachée à ma personne. Cette offre était tellement aimable que je ne pus que l'accepter. de sorte que j'allai voir les chambres dont je fus charmé. Et en effet, elles étaient extraordinairement bien meublées et d'un très plaisant logement. Nous payâmes donc le coche, d'où nous fîmes décharger nos hardes, et nous résolûmes de séjourner là un peu de temps. Ici, je lui dis que je vivrais avec lui maintenant, jusqu'à ce que mon argent fût à bout, mais que je ne lui laisserai pas dépenser un shilling du sien. Nous eûmes là-dessus une tendre chicane. Mais je lui dis que c'était sans doute la dernière fois que je jouirais de sa compagnie, et que je le priais de me laisser maîtresse sur ce point seulement, et qu'il gouvernerait pour tout le reste, si bien qu'il consentit. Là, un soir, nous promenant au champ, je lui dis que j'allais maintenant lui faire la proposition que je lui avais dite. Et en effet, je lui racontai comment j'avais vécu en Virginie et que j'y avais ma mère qui, croyais-je, était encore en vie, quoique mon mari dût être mort depuis plusieurs années. Je lui dis que si mes effets ne s'étaient perdus en mer, et d'ailleurs je les exagérais assez, j'aurais eu assez de fortune pour nous éviter de nous séparer de cette façon. Puis j'entrai dans des détails sur l'établissement des gens en ces contrées, comment, par la constitution du pays, on leur a loué des lots de terre, et que d'ailleurs on pouvait en acheter à un prix si bas qu'il ne valait même pas la peine d'être mentionné. Puis je lui expliquai amplement et avec clarté la nature des plantations, et comment un homme qui s'appliquerait, n'ayant emporté que la valeur de 200 ou 300 livres de marchandises anglaises, avec quelques domestiques et des outils, pourrait rapidement établir sa famille et en peu d'années amasser du bien. Enfin, je lui dis les mesures que je prendrais pour lever une somme de 300 livres ou environ. Et je lui exposai que ce serait un admirable moyen de mettre fin à notre infortune et à restaurer notre condition dans le monde au point que nous avions espéré tous deux. Et j'ajoutai qu'au bout de 7 ans, nous pourrions être en situation de laisser nos cultures en bonne main et de repasser l'eau pour en recevoir le revenu et en jouir tant que nous vivrions en Angleterre. Je lui citai l'exemple de tel qui l'avait fait et qui vivait à Londres maintenant sur un fort bon pied. En somme, je le pressai tant qu'il finit presque par s'y accorder. Mais nous fûmes arrêtés tantôt par un obstacle, tantôt par l'autre, jusqu'enfin il changea les rôles et se mit à me parler presque dans les mêmes termes de l'Irlande. Il me dit qu'un homme qui se confinerait dans une vie campagnarde, pourvu qu'il eût pu trouver des fonds pour s'établir sur des terres, pourrait s'y procurer des fermes à 50 livres par an, qui étaient aussi bonnes que celles qu'on loue en Angleterre pour 200 livres, que le rendement était considérable et le sol si riche que, sans grande économie même, nous étions sûrs d'y vivre aussi bravement qu'un gentilhomme vit en Angleterre avec un revenu de 300 livres. Et qu'il avait formé le dessein de me laisser à Londres et d'aller là-bas pour tenter la fortune. Et que, s'il voyait qu'il pouvait disposer une manière de vivre aisée et qui s'accordât au respect qu'il entretenait pour moi, ainsi qu'il ne doutait point de pouvoir le faire, il traverserait l'eau pour venir me chercher. J'eus affreusement peur que sur une telle proposition il m'eût prise au mot, c'est-à-dire qu'il me fallût convertir mon petit revenu en argent liquide qu'il emporterait en Irlande pour tenter son expérience. mais s'il avait trop de justice pour le désirer ou pour l'accepter si je l'eusse offert. Et il me devança là-dessus. Car il ajouta qu'il irait tenter la fortune en cette façon, et que s'il trouvait qu'il pût faire quoi que ce soit pour vivre, en y ajoutant ce que j'avais, nous pourrions bravement subsister tous deux. Mais qu'il ne voulait pas risquer un shilling de mon argent jusqu'à ce qu'il eût fait son expérience avec un peu du sien. Et il m'assura que s'il ne réussissait pas en Irlande, il reviendrait me trouver et qu'il se joindrait à moi pour mon dessein en Virginie. Je ne pus l'amener à rien de plus, par quoi nous nous entretînmes près d'un mois, durant lequel je jouis de sa société, qui était la plus charmante que j'eusse encore trouvée dans toute ma vie. Pendant ce temps, il m'apprit l'histoire de sa propre existence, qui était surprenante en vérité et pleine d'une variété infinie, suffisante à emplir un plus beau roman d'aventures et d'incidents qu'aucun que j'ai vu d'imprimer. Mais j'aurai l'occasion là-dessus d'en dire plus long. Nous nous séparâmes enfin, quoiqu'avec la plus extrême répugnance sur ma part. Et vraiment, il prit congé de moi bien à contre-cœur. Mais la nécessité l'y contraignait, car les raisons qu'il avait de ne point vouloir venir à Londres étaient très bonnes, ainsi que je la compris pleinement plus tard. Je lui donnai maintenant l'indication de l'adresse où il devait m'écrire, quoique réservant encore le grand secret, qui était de ne jamais lui faire savoir mon véritable nom, qui j'étais et où il pourrait me trouver. Lui, de même, me fit savoir comment je devais m'y prendre pour lui faire parvenir une lettre afin qu'il fût assuré de la recevoir. J'arrivai à Londres le lendemain du jour où nous nous séparâmes, mais je n'allai pas tout droit à mon ancien logement. Mais pour une autre raison que je ne veux pas dire, je pris un logement privé dans St. John Street, ou, comme on dit vulgairement, St. John en Clerkenwell. Et là, étant parfaitement seul, j'eus assez loisir de rester assise pour réfléchir sur mes rôderies des 7 derniers mois, car j'avais été absente tout autant. Je me souvenais des heures charmantes passées en compagnie de mon dernier mari avec infiniment de plaisir. Mais ce plaisir fut extrêmement amoindri quand je découvris peu de temps après que j'étais grosse. C'était là une chose embarrassante, à cause qu'il me serait bien difficile de trouver un endroit où faire mes couches. Étant une des plus délicates choses du monde en ce temps pour une femme étrangère et qui n'avait point d'amis, d'être entretenu en une telle condition sans donner quelque répondant que je n'avais point et que je ne pouvais me procurer. J'avais pris soin tout ce temps de maintenir une correspondance avec mon ami de la banque, ou plutôt il prenait soin de correspondre avec moi, car il m'écrivait une fois la semaine. Et quoique je n'eusse point dépensé mon argent si vite que j'eusse besoin de lui en demander, toutefois je lui écrivais souvent aussi pour lui faire savoir que j'étais en vie. J'avais laissé des instructions dans le Lancashire, si bien que je me faisais transmettre mes lettres. Et durant ma retraite à St. John, je reçus de lui un billet fort obligeant, où il m'assurait que son procès de divorce était en bonne voie, bien qu'il y rencontrât des difficultés qu'il n'avait point attendues. Je ne fus pas fâché d'apprendre que son procès était plus long qu'il n'avait pensé, car bien que je ne fusse nullement en condition de le prendre encore, n'ayant point la folie de vouloir l'épouser, tandis que j'étais grosse des œuvres d'un autre homme, ce que certaines femmes que je connais ont osé, cependant, je n'avais pas d'intention de le perdre, et, en un mot, j'étais résolue à le prendre s'il continuait dans le même dessein, sitôt mes relevailles. Car je voyais apparemment que je n'entendrais plus parler de mon autre mari. Et comme il n'avait cessé de me presser de me remarier, m'ayant assuré qu'il n'y aurait nulle répugnance et que jamais il ne tenterait de réclamer ses droits, ainsi ne me faisais-je point scrupule de me résoudre, si je le pouvais, et mon autre ami restait fidèle à l'accord. Et j'avais infiniment de raisons d'en être assuré par les lettres qu'il m'écrivait, qui étaient les plus tendres et les plus obligeantes du monde.